Vous, donc, votre gouvernement n'hésitera pas à l'appliquer, la loi 78, si jamais il y a encore des petits gauchistes, là, des petits communistes qui essaient de bloquer l'accès aux cours là, dans les institutions d'enseignement. Vous n'hésiterez pas à appliquer cette loi-là. Ah, c'est clair qu'ils vont l'appliquer, que la loi va être appliquée, puis que le gouvernement va la mettre en force, et les policiers également. Monsieur Poitier, ça fait longtemps que je veux le demander à quelqu'un. Pourquoi on n'arrête jamais les gens qui incitent comme ça à la désobéissance civile? On a vu Gabriel Nadeau-Dubois inciter à la désobéissance civile, Amir Kadir, c'est à lui que vous faites référence. Pourquoi on les arrête jamais, ces gens-là?